بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فإن شاء الله، صلى الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا وإياكم على طاعته، نجمعنا جميعا في دار مقامه إن شاء الله. نسأل الله كذلك أن يفرج عن إخواننا المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يفرج عن إخواننا في غزة إن شاء الله. ففي هذه الزيارة إن شاء الله سيكون حديثنا حول أهم أمر في هذا الدين، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولعل قائلا يقول: المسلمون يذبحون في مشارق الأرض ومغاربها وأنتم لا زلتم في دراسة التوحيد. فلنعلم أيها الإخوة في الله أن كل مصيبة وكل خلل في هذا العالم سببه الإخلال بهذا الركن العظيم، ألا وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالشرك كما ترون طم وعم، وربنا يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي إن تنصروا دين الله، إن توحدوا الله عز وجل كما أمر وكما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام، وكما بلغه الصحب الكرام لمن تبعهم بإحسان، فإن تقوموا بهذا كما أراد الله ينصركم الله بعد ذلك ويثبت أقدامكم. فإن الله عز وجل durant cette visite tout le sujet va être autour du monothéisme. Peut-être que certains parmi vous se disent: les musulmans se font égorger à droite et à gauche, à l'est et à l'ouest de la planète, et vous vous êtes en train encore toujours le monothéisme. Chers frères en Allah, Azzawajal, toute catastrophe qui arrive dans cet univers et toute catastrophe qui arrive à cette communauté, c'est justement parce qu'il y a des lacunes dans le monothéisme, et que c'est à cause des choses qui dénigrent le monothéisme, et à cause de désobéir à Allah, et à cause de désobéir à son messager, alayhi salam, que toutes ces catastrophes nous arrivent. L'associationnisme a pignon sur rue maintenant, à travers le monde musulman, sauf, on peut sortir de ça, l'Arabie Saoudite, où il n'y a pas de tombe où qui s'adore en dehors de Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu jettes ton regard sur la carte des pays musulmans, tu vois comment, l'adoration des tombes à pignon sur rue, et à même des ministères. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété: si vous voulez le triomphe d'Allah, il faut lui faire triompher sa religion. In tansurullah, si vous faites... Wa alaykum salam wa rahmatullah. Si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah il vous fera triompher. Comment faire triompher la religion d'Allah? Si justement accomplir le monothéisme en nous-mêmes et appeler vers ce monothéisme, pour, comme l'a accompli Mohammed alayhi salam, et comme l'ont accompli les compagnons de Mohammed alayhi salam, et comme les compagnons de Mohammed alayhi salam l'ont transmis à leurs successeurs, à ce moment-là, on aura le triomphe de Allah Azza wa Jalla. وربنا يقول: إخوة الإسلام، وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Et Allah Azza wa Jalla a décrété dans le Coran que tout ce qui vous arrive, c'est parce que vous l'avez mérité, parce que vous avez fait. Et Allah pardonne beaucoup. Ça, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. tout ce qui nous arrive. Et dis-toi bien, frère en Allah, toi le musulman de Brest, le musulman de Rennes, tu es quelque part fautif. Et tu es l'une des causes, ou l'autre musulman qui est à Marrakech, et l'autre qui est à Perpète, etc. Tous, en négligeant la sunna de son prophète, en désobéissant à Allah, subhanahu wa ta'ala, on est l'une des causes en cause, on est l'une des causes du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout un chacun de nous est responsable. Pas croire l'ennemi d'Allah, tout simplement, certes l'ennemi. Mais qui a donné la clé à l'ennemi pour rentrer? C'est toi et moi. Comment lui avons donné la clé? Parce que nous avons négligé la religion d'Allah. Parce que nous avons donné le dos à la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et parce que nous avons délaissé la route et le chemin sur lequel étaient Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiyah, Abu Huraira et les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il a pu faire de nous ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas sa puissance. La puissance, certes, elle est là. Mais la grande défaillance vient de nous. Nous lui avons ouvert la porte. Et nous lui avons donné, fais de nous ce que tu veux. Parce que cette communauté, il faut que tu aies la certitude, frère, en Allah, Azza wa Jal, ne peut avoir l'honneur et la suprématie qu'on se cramponne au livre d'Allah, à l'authentique de la sunna du prophète, selon la voie et la compréhension du plusieurs d'Allah. Sinon, déshonneur total, bassesse et avilissement total. الله عز وجل يقول وعد الذي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Il est écrit dans la parole d'Allah, Allah, il est dit dans le verset, Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et fait bonne œuvre. Ils ne croient pas que la bonne œuvre est quelque chose de facile. Il est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il l'a facilité. Pour qu'une bonne œuvre soit bonne, il faut qu'il y ait la sincérité dedans et le suivi de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens font des actes et croient que ce sont des bons actes. Mais en réalité, ce sont des actes qui leur seront rejetés à la figure parce qu'il n'y a pas dedans la sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam ou parce que les actes n'ont pas été faits sincèrement pour Allah azza wa jal. C'est-à-dire que quelque part, la personne n'a pas accompli ni digne d'être adoré qu'Allah, ou l'autre n'a pas accompli ni digne d'être suivi comme Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Deux, le problème. Il est dit dans le verset, Allah a promis à ceux qui ont cru, fait bonne œuvre, qu'il va les faire s'exsuder les uns derrière les autres sur terre. Il va leur donner la force à leur religion et faire que leur religion soit la religion qui a le dessus sur tout. Il va leur changer leur peur en sécurité. Et regarde la peur dans laquelle est la communauté musulmane à travers la planète maintenant. Ça, ce sont les promesses d'Allah. À quelles conditions? À quel prix? La condition, elle est dans la fin du verset. Ils m'adorent, ils ne me font aucun associé. Il réserve le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde autour de toi. Si toi tu accomplis le monothéisme, chasse frère en Allah, azza wa jal, qu'une personne, deux, une centaine de personnes, c'est un cas marginal. Et les sentences et les lois ne vont pas avec les cas marginaux. Ce n'est pas les cas marginaux qui font office de loi. Regarde, la majorité dans le monde musulman, qu'est-ce qui a pignon sur eux? Le monothéisme ou l'associationnisme? Et sois doué de raison. Il ne te voile pas la face. Regarde les choses en face. Pour guérir d'une maladie, il faut que tu la connaisses. Et tu connaisses sa cause. Pour avoir l'issue, il faut, pour sortir de l'avilissement dans lequel on est, il faut savoir diagnostiquer le mal où il est. Il est la source du mal. Si on se trompe, les solutions qu'on va ramener seront fausses. Seront fausses et donc ils n'amèneront à rien comme maintenant. Vous croyez que, par Allah, est-ce que vous croyez qu'en sortant brailler dans les rues, hommes et femmes, et crier ou la faire des sittings devant les mairies, ou la faire des sittings devant les mosquées, ou la faire des sittings devant l'ONU, ou la faire des sittings là où tu veux, sur Jupiter si tu veux, c'est ça qui va sortir la communauté de la bassesse dans laquelle elle est? Vous croyez ça, vous? Vous gommez ça? Que brailler et être dans une situation dans laquelle hommes et femmes sont mélangés, c'est-à-dire déjà ils ont transgressé la loi d'Allah, en transgressant la loi d'Allah, on va ramener l'honneur et la suprématie à cette communauté? C'est possible? Est-ce que quelqu'un qui est doué de raison peut accepter ça? Est-ce que ça c'est une solution? Est-ce que le fait de sortir maintenant, l'innovation n'a plus de limite? Certains imams ont décrété à leurs ouailles de sortir devant la mosquée et de faire des sit-in, à tel point que les vieux ne savaient pas ce que ça veut dire les sit-in. Allez juste, on se met en cercle devant la mosquée et on dit tous 100 fois « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Le fait de faire des sit-in, est-ce que ça c'est la voix d'Abu Bakr? La voix de Omar? La voix de Uthman? La voix de Ali? Ou c'est la voix de qui? La voix de ceux que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de ne pas leur ressembler. Est-ce que cette voie que nous a interdit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de prendre est une voie qui va nous ramener la suprématie, l'honneur, et nous sortir de l'avilissement et nous ramener le triomphe? Vous croyez ça? C'est une communauté, la communauté de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. S'il ne donne pas à Allah ce qu'il veut, comme il le veut Allah, la bassesse, l'avilissement et le déshonneur. Il faut prendre en considération la parole de l'un de nous, puis ailleurs d'Allah. Le deuxième homme de cette communauté, après Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, anhu, qui a dit, nous étions des gens vils, au plus bas degré de l'échelle humaine. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés avec l'islam. Et si nous cherchons notre honneur dans autre chose que l'islam, Allah, il nous déshonorera, il nous avilira. Est-ce que les manifestations, les grèves de la faim, les sit-in font partie de l'islam que Mohammed alayhi salam a enseigné à Abu Bakr, il y a Omar, il y a Uthman, il y a Ali, hein? Et qu'on arrête. On est en Europe, on est au XXe siècle. C'est nous qui savons, c'est Allah. Ça veut dire que si on dit que les manifestations font partie de l'islam, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Mohammed alayhi salam a trahi le message. Il n'a pas transmis à cette communauté comme quoi, pour manifester ses douleurs, il faut manifester. Pour prouver et montrer qu'on est, on a des douleurs qu'on subit de la part de l'autre qu'il faut manifester. Vous croyez que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a trahi son message? Vous le pensez? Est-ce que quelqu'un a le droit de le penser? La situation est dangereuse à l'islam. Il ne faut pas croire. Pas croire, parce que avant que tu existes, frère Allah Azzawajal, avant que tu sois à Rennes, en Bretagne ou ailleurs, à 50 000 ans avant que tu sois là, ce qui devait exister dans ce bas monde a été écrit. Avant la création des cieux et de la terre, Allah il a créé le crayon. Il lui dit écrit ce qu'il va être et ce qu'il sera jusqu'à la fin des temps. Rien ne peut bouger dans l'univers d'Allah Azzawajal, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'évolue. Et ça rentre dans tous. La première chose dans laquelle il faut croire, c'est que tout est écrit. Et tout rentre dans la science d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sait le massacre qui existe et le déshonneur dans lequel nous sommes maintenant. Il le savait 50 000 ans avant la création du ciel et de la terre. Donc, il faut revenir à l'évidence. Il ne faut pas que chaque fois, des beaux parleurs, ils viennent, ils nous jettent. Ils essayent de mordre sur nous. Et ça, c'est que tout un chacun qui appelle à la manifestation, qui appelle aux grèves de la faim, etc., c'est un homme qui est en train d'embellir sa situation devant et son image, qui se fait une image dans la communauté pour arriver à quelque chose. Et tout ce qui appelle vers les manifestations, tous cherchent un poste politique quelque part ou un poste social. Tous. Pour qu'ils soient à la page de ce qui se passe dans le monde. Et à la page de ce qui se passe dans les civilisations qui sont vécues dans le monde actuellement. Si on peut les considérer comme civilisations. Donc il faut être doux et de raison. Tu es soumis à Allah. Tu es digne d'être adoré qu'Allah. Ni digne d'être ni Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah. Ça implique de toi que tout acte que tu dois faire soit légiféré par Allah. Et la façon de le faire, ça doit être dans la sunnah du prophète, et selon la voie et la compréhension de tes plusieurs, qui sont les compagnons de Mohammed, et ceux qui les suivent à la perfection. Et en dehors de ça, c'est de l'innovation. Et en dehors de ça, tu es en train de critiquer Mohammed, comme quoi il a trahi le message. Il faut faire très attention. Ce n'est pas non plus, frère en Allah, pour faire triompher et pour sauver nos frères du massacre dans lequel ils sont, c'est en envoyant les photos du massacre et le sang et les corps déchiquetés, etc. L'islam, déjà la photo en elle-même, il est haram dans cette religion. De s'envoyer des photos, déjà c'est haram. Qu'est-ce qu'il en est quand il s'agit du malheur de la communauté? Et plus d'un dôme de sang aussi à leur tête. Cheikh Fawzan, il ne faut pas envoyer ces photos. Parce qu'en envoyant ces photos, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es encore en train de rajouter tristesse sur tristesse dans le cœur de tes frères musulmans. Enfin, on est une communauté dont la voie à suivre, il est décrété min Allah. Et c'est la voie que nous a tracée Mohammed alayhi salatu salam. Et non la voie de Paul, de Jacques, et de Guy Descartes, ou de Armstrong, ou de l'Islam. Ce n'est pas comme ça. C'est une religion qui est parachevée. Si tu crois en le Coran et que le Coran est complet, que ta religion est complète, tu dois avoir à l'esprit toujours ce verset. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Tu dois avoir chaque fois que tu veux faire quelque chose sur laquelle n'était pas tes buseurs de Allah alayhim, tu dois avoir à l'esprit ce verset. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits. Et je vous agrée l'islam comme religion. Et chaque fois que tu as un acte, on te présente un acte, ou là un événement, tu dois le ramener vers le moule. Allah a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit, ça rentre dans ce moule-là, ramène, et tu embrasses la tête de celui qui te le dit, et t'oriente vers cet acte. Ça ne rentre pas, tu le rejettes, tu dis à la personne de te laisser tranquille. Ça, c'est le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré. Tu veux faire triompher tes frères à Gaza. Tu veux faire triompher tes frères en Irak. Partout où ils sont massacrés, ou en Afghanistan, etc., reviens à Allah. Accomplis la sunnah de Mohammed alayhi salatu wasalam. Parfait ton monothéisme. Connais Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Oublie Allah. Oublie son prophète. Oublie et suis le chemin d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, autres. Sinon, tu ne les aides pas. Sinon, tu ne les aides pas. Tu causes encore. Si on transgresse les lois d'Allah et on laisse la sunnah de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam et la voie et la compréhension de nos plusieurs d'Allah alayhi, on est en train d'aider l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous-mêmes. Il faut être conscient de la situation. Pas se faire avoir. Enfin, ceux-là qui invitent les gens à sortir, par exemple, tu les prends leur cas dans les pays de l'islam, prenons Maritim, puisque votre majorité est marocaine, le groupe d'Yassini, tout ce qu'ils appellent l'Adl al-Hassan, justice et bienfaisance. Donc, quand ils appellent à sortir dans les rues, soit pour la Palestine ou pour autre, je sais que c'est un but politique. Ils sont en train de leur montrer, de montrer au gouvernement, il y a tous ceux qui agissent ainsi, montrer au gouvernement qui est en place. Nous pouvons drainer des populations, faites avec nous, calculer la situation avec nous. C'est tout. C'est une question d'arriver à un but et un pouvoir. Et donc, ils montrent leur force. Nous aussi, on est capable de drainer des gens dehors. Donc, vous devez compter avec nous. Nous compter parmi ceux qui font l'événement dans la communauté. Point final. Que ce soit l'Yassinite du Maroc ou là. Les frères musulmans, selon le nom qu'on leur donne, que ce soit ceux d'Algérie, ou la Sud-Tunisie, ou la Sud, n'importe où ils soient, c'est pour que le gouvernant, celui qui gouverne, qu'il les calcule, qu'il les prenne en considération. Voilà, c'est tout. Leur but, il est là. Et tu vois, faut dans ces manifestations, la drague, les échanges de téléphone, ça n'arrête pas de rigoler, c'est des chansons, des fois ça danse, et des fois évasine, ça n'arrête pas. On est sorti pour prouver notre souffrance, et tout d'un coup ça se termine avec un... comme ils disent, la danse du ventre, les darbuka et vazinta, et ça n'en finit pas. C'est comme ça qu'on va faire triompher la communauté de Mohammed alayhi salatu wasalam. Par Allah, si c'est ainsi qu'on peut avoir le triomphe, c'est facile. C'est facile. Et les grands imams de cette communauté, et les, ceux qui sont proches de nous, on ne va pas chercher les plus loin. Ibn Badis, rahimahullah, en Algérie, avec l'occupation de la France, il a dit aux communautés qui étaient en face de lui à la mosquée, maintenant, si Jésus veut que vous me suiviez tous et que vous sortez dans la rue, je vais vous dire, l'ennemi est en face, il est là. Vous allez prendre vos pioches, vos bâtons, vos pierres, vous allez me suivre et vous allez à votre massacre. Il y a un autre chemin qui va nous délivrer de cet ennemi. Ben, asseyez-vous, apprenez votre religion. Et là, pas beaucoup de gens vont rester avec moi. Ainsi il l'a dit. Et c'est la réalité. Hein? Et c'est la réalité. Il avait raison, rahimahullah. Parce que ça ne vient pas de sa raison à lui, ça vient de l'héritage qu'il a eu, de cette sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam, et la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam, et ceux qui les suivent à la perfection, et tous les bons réformateurs qui sont des réels conseillers, et qui conseillent comme il se doit la communauté de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam. La même chose, pendant plus de 60 ans, plus proche de nous, Cheikh Nasser, rahimahullah ta'ala, son cheval de bataille était deux mots, at-tasfiya wa at-tarbiya, purifier l'islam de toute forme d'innovation, et des histoires à dormir debout, et des hadiths faibles et inventés sur le prophète alayhi sallam, et le deuxième mot, s'éduquer sur un islam pur, et revenir à la voie du prophète alayhi sallam et de ses nobles compagnons. وهذا كله يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Et tout ça, ce qu'a dit Ibn Baz, ce qu'a dit l'Albani rahimahullah, ce qu'a dit Ibn Badis, et autres avant eux, et ceux qui vont venir après eux parmi les nobles réformateurs qui veulent le conseil et le bien de la communauté, tout ça, leur point de départ, c'est la parole d'Allah et l'authentique de la sunna. إن تنصروا الله ينصركم. Si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah il vous fera triompher. Et aussi la parole du prophète عليه الصلاة والسلام qui dit: إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Et aussi cette parole du prophète alayhi salatu wasalam qui te décrit les maladies dans la caisse et la communauté maintenant. Qui te décrit les maux qu'il y a dans cette communauté maintenant, comme si le prophète est vivant avec nous. Et qui te donne le seul remède et le seul médicament qui est capable de nous sortir de là et de nous guérir. Il est dit dans le verset, Ida Taber, comme vous commercez avec l'ina, l'ina. C'est une façon de commercer et de donner à la transaction commerciale qu'on est en train de faire, qui est une transaction qui est basée sur le haram, de lui donner un aspect de halal, de la déguiser. Mais il est haram en elle-même. Mais on est en train de la déguiser et de se tromper soi-même, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le trompe pas. Et ça, c'est une façon de faire qui existe maintenant. Je te donne un exemple flagrant, dans lequel, qui est monnaie courante à travers le monde musulman. Une personne a besoin de 23 000 dirhams, de 20 000 dirhams par exemple. Il sait que s'il vient chez Abdullah, le commerçant, il ne va pas lui prêter fisabilillah. Il ne lui prêtera pas. Mais il vient, Abdullah, lui, il vend des produits. Le produit qu'il y a à la vitrine, il coûte hein, 10 000 ou 15 000. Lui, le produit, il ne l'intéresse pas. Le commerçant, il sait que Hadak, il veut l'argent. Ce produit qui est à 15 000, hein, et la personne va le payer, ils vont tomber d'accord pour le payer à échelon déféré. Hein. Mais il ne prendra pas la marchandise. Cette marchandise restera à sa place. Mais il demandera l'argent à la place. Mais seulement quand il va rendre, il ne va pas rendre 15 000, il va rendre 20 000. Les 5 000 qui se sont ajoutés, en déguisant que la situation est partie d'un commerce, les 5000 qui se sont rajoutés par ruse, c'est de l'intérêt. C'est un intérêt clair et net. Et ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. C'est l'un des cas de figure d'Yal-Ain. Mais sinon, il a beaucoup d'aspects dans lesquels on tombe dans le haram. On est en train de ruser. Mais on ne sait pas que Allah subhanahu wa ta'ala, les ruses ne marchent pas avec. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala connaît la réalité de la situation. Hein? Et donc, hada, c'est quelque chose qui existe. Comme si le prophète était avec nous, et cette forme de transaction existe maintenant dans le monde musulman. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné aussi une autre maladie qui, maintenant, et quand vous courez derrière ce bas monde, le fait de chercher sa subsistance, ceci est demandé. Mais il ne faut pas que dans le fait de chercher notre subsistance, on oublie les obligations d'Allah. On oublie ce que veut de nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et regardez combien de gens, pour ce bas monde, regardez, les prières peut-être, des journées, il ne les fait même pas. Des journées, à part le fajr qu'il fait à la maison, peut-être pas à l'heure, d'horreur et l'asr, il va revenir rentrer à 11h du soir, il va tout donner cash comme ça. Hein? Et ainsi de suite, ça... Et il est dit dans le hadith, une autre maladie, et vous êtes contents de ce bas monde. Regardez comment les gens, maintenant, sont contents du confort dans lequel ils sont. Et quelqu'un qui est content du bas monde, il ne fera pas d'effort. Il ne fera pas d'effort, il ne fera pas de sacrifice. Il ne pourra pas résister au moment de la grande bataille. Ce n'est pas possible. Hein? Et s'il n'arrive pas à faire l'effort d'apprendre sa religion, et de la mettre en application comme on veut-tu, et de prendre le dessus sur soi-même, et de combattre son ego lui-même, comment veux-tu qu'il combatte un ennemi de l'extérieur? C'est pas possible. Quand la personne n'arrive même pas à se combattre lui-même, à mettre en application la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, hein, en passant par mettre en application l'ordre du prophète alayhi salatu wasalam, qui est le fait de ne pas traîner son vêtement au-delà de sa cheville, ou de laisser pousser sa barbe, et que sa femme, ses filles portent le hijab, etc. Il n'arrive pas à accomplir ça, à faire ce combat. Comment veux-tu qu'il fasse le combat de l'ennemi? C'est pas possible. C'est impossible. Il est perdant à la base. La base, son point de départ, c'est un perdant. Parce que son ego qui est en lui, qu'il doit combattre, il ne l'a pas combattu. Cet ego qui est en lui, qu'il doit soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas soumis. Comment veux-tu qu'il fasse une bataille? Aucune bataille il gagnera. Il part perdant. Okay. Peu importe les armes qu'il aura entre ses mains, ça ne fera rien du tout. Hada, ce qu'il nous a dit, que Rasoul a cité une seule obligation, il l'a dit, vous délaissez le jihad, fi sabilillah. Mais combien d'obligations cette communauté a oubliées? Il fait partie des catégories du jihad, c'est qu'on apprend sa religion et qu'on la met en application. Et qu'on fasse le jihad de son nefs et du shaitan. Et le jihad de l'ennemi vient en quatrième position à l'islam. Et il faut que ça soit avec ces conditions. Il faut que ça soit avec ces conditions dictées par la législation d'Allah. Et par la sunna de Muhammad alayhi salatu wasalam. Et non les conditions données par les ministres d'Yel Tkfir sur les sites internet et sur les salons internet. Ou là, les ministres d'Yel Ikhwan ou autres, ou des prétendus jihad. Hein? Ça, tu les entends maintenant. Hein? Chaque matin, il passe son visage à la Wilkinson et il jette les deux poils que Allah lui a ordonné de laisser. Il sort le visage luisant, peut-être comme plus luisant que celui de sa femme. Et il te dit, où sont les gouverneurs des pays de l'islam? Akhal l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il n'y a que ces lois. On doit juger avec ses lois. Fait partie de ses lois le fait de se laisser pousser la barbe et que nos femmes portent le hijab et qu'on remonte son pantalon et qu'il essuie pas les urines dans le chemin, sur le chemin, etc. Ça fait. Tu n'es même pas capable d'accomplir les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi-même et tu les demandes à quelqu'un d'autre. C'est quoi cette injustice? Comment on voit les choses? D'abord accomplis-les sur toi-même. Hein? Et après, tu demandes aux autres. Il est décrété dans le Coran, « La yughayiru Allahu ma biqawmin hatta yughayiru ma bi anfusihim » Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. Ça veut dire que le changement doit venir de chacun de nous. On ne doit pas attendre que les autres changent. Le changement, c'est nous. Il commence par moi, par toi, etc. Et nous, on a tendance maintenant à comprendre rien. Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple n'a pas changé les autres. Et tout ce que nous faisons, c'est par rapport aux autres. Et si l'autre, il ne change pas, tu vas rester comme ça. Tu attends que l'autre change. Quand est-ce que tu vas changer? Ben, tu n'y arriveras jamais. Si tu as ouvert la porte grande à Shaitan, et c'est ce qu'il veut, ben, tu n'as jamais de changement, il voit. Il faut qu'on revienne à l'évidence. Hein, et qu'on ne se fasse pas berner par Shaitan tout le temps. Et qu'on ne se fasse pas avoir. Et qu'on sache que notre transgression de la loi d'Allah, une transgression de la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam, c'est elle qui nous amène dans l'avilissement dans lequel on est. Et dis-toi bien, ya Abdallah, que moi et toi, on contribue à ça. On a tous notre part de responsabilité. Tous, tout un chacun que nous sommes. Alors, avec le fait de ne pas se conformer à la loi d'Allah et la sunna d'Allah. Et le sunnah de Mohammed alayhi salatu wasalam, comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde dans le moindre petit détail. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la divergence est un mal. Char. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit La tusawunna sufufakum, ou la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum, wa fi riwayatin bayna wujuhikum. Regarde maintenant. Je vais te citer un exemple pour certains vont croire que c'est une futilité. Mais sache que Allah, il n'y a pas de futilité dans la parole de Muhammad. Il n'y a pas de petites choses et grandes choses. Tous les actes et tous les enseignements de Muhammad ont leur importance. La divergence est un mal. Le fait de diverger est un mal. Rasoul me dit et les versions de ce hadith sont nombreuses. Hein? Il dit, où vous allez faire des rangs compacts droits, Allah il va diverger vos cœurs. Regardez les rangs, regardez la situation de la communauté, regardez les rangs dans les prières, comment ils sont. Tout à l'heure encore. Ah, ça l'a toujours. Hein. Des rangs est parti en zigzag. En zigzag, à l'islam. Hein. Et c'est pas possible. Ah, le prophète, il n'a pas parlé de ses propres passions. C'est une révélation qu'il lui fait. On donne à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il veut de nous. On aura la promesse d'Allah qui est la suprématie, l'honneur et le pouvoir sur terre. Il n'y a pas, on n'accomplit pas les actes comme Allah il le veut, avilissement, déshonneur et dispersion et hein, divergence entre nous. Et tu prends les hadiths de ton prophète, alayhi salatu wasalam, il est avec l'œil de celui qui cherche, hein, et avec un œil objectif, il prend leur signification de la parole de te noble puseur d'Allah alayhi, et claque-les sur ta réalité que tu vis, tu verras. Tu verras des choses extraordinaires. Hein. Encore faut-il regarder la parole du prophète alayhi salatu wasalam comme il se doit et prendre sa signification de là où on doit la prendre et la claquer sur notre vécu, hein, et pour voir que ce prophète alayhi salatu wasalam nous a tout détaillé. Les situations dans lesquelles tu n'as pas besoin de chercher dans l'historique et les annales de l'histoire. Tu regardes, prends un hadith, presque les communautés vont se jeter sur vous. Ils se sont jetés, comme il a dit le prophète alayhi salatu wasalam. Et sur vos comptes se jettent les invités sur le plat. Tu as déjà vu un invité se jeter sur un plat vide? Il faut que le plat soit appétissant et qu'il y ait quelque chose dans ce plat. C'est ce qui est arrivé à cette communauté. Les richesses humaines, pétrolières et autres, et souterraines, sont dans cette communauté. Et les communautés, comme il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, se sont jetées sur ce plat appétissant. Et chacun a eu sa part de lion et sa part du gâteau. Et on a dit à Rasoulallah, est-ce que ce jour-là où ça arrivera, on sera peu nombreux? on ne sera pas nombreux. Elle dit non, certes, vous allez être très nombreux. Mais vous êtes comme Ruta Seil. Ruta, par exemple, si tu as déjà vu l'orage passer dans une montagne, il passe à côté et il y a un écume qui le ramène, des petites boules en haut et des petits brins de paille, etc. Qu'est-ce qu'il fait l'eau avec? Il les tourne comme il veut, ses boules et ses écumes et ses brindilles, ses bouts de paille, etc. L'eau, il les tourne comme il veut, dans n'importe quel sens. C'est la description, c'est-à-dire que ça n'a aucun poids devant l'eau. Et c'est la description qu'a fait le Rasoul Sallallahu Alayhi wa Sallam. Regarde maintenant, prends cette parole du prophète alayhi wa sallam et mets-la en face de la réalité dans laquelle nous sommes maintenant. Quel poids a la communauté de Mohammed alayhi wa sallam dans ce qu'ils appellent l'assise des Nations Unies, c'est-à-dire Mujlis al-Fitan, l'union d'Al-Fitan, quel poids est là dedans? Rien. Un musulman, ça ne veut rien dire pour eux, ça n'a aucun poids, ça n'a aucun nom, ça n'a aucune résonance. Hein, tu as tué un hadith du prophète, tu n'as pas besoin de l'actualité. Un hadith du prophète, ça te donne la situation, tu analyses toute la situation de la communauté devant toi. Hein? Et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever la peur du cœur de votre ennemi. Il jettera le wahan dans vos cœurs. Et on lui a dit, c'est quoi le wahan, ya Rasulallah? Il a dit, la peur de la mort et le fait d'être content de ce bas monde. La peur de la mort et le fait de détester la mort et d'être content de ce bas monde. Et regarde. Regarde ces paroles du messager alayhi salam et regarde notre réalité. On est dedans. Comme s'il vit avec nous. Alayhi salam. Cela te prouve. Ça, c'est ce hadith. Le hadith d'Yel a déguisé les situations, le commerce, certaines transactions commerciales haram pour leur donner l'aspect du halal. Prouve la véracité de ce messager alayhi salatu wassalam et la véracité de son message alayhi salatu wassalam et que les choses sont devant toi comme il l'a dit, comme il l'a annoncé alayhi salatu wassalam. Ça doit faire naître en toi l'amour de ce messager alayhi salatu wassalam. Et son amour, ce n'est pas fêter sa mort ou sa naissance un jour de l'année là, c'est que tu cherches sa sunna et tu la mets en application. Tu te cramponnes à la sunna de ton prophète, alayhi salatu wassalam. Voici comment, ce qu'il doit faire naître en nous. Hein? C'est se cramponner à la sunna de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Sallallahu al-Azim, al-Plash, al-Azim, al-Ruddana, wa iyaakum ila-Rajdina. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous ramène tous vers notre raison et vers la voie qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, aime et agrée pour nous. فقلنا حديثنا يكون عن أصل هذا الدين وأساسه الأصيل وهو التوحيد وهو معرفة الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان إذا عرف الله عز وجل فإنه يقبل أوامره وينتهي عما نهاه الله سبحانه وتعالى أما إذا لم يكن كذلك لم يكن عارفا بالله وعارفا عن الله فإنه يجادل في آية الله عز وجل بغير علم ويتخذ آيات الله هزوا وهو بذلك في ضلال مبين. Donc, les discussions vont être autour de la base principale de cette religion et du pilier principal de cette religion qui est le monothéisme, qui est le fait de connaître Allah Azza wa Jal. Car l'être humain, quand il connaît Allah Azza wa Jal comme il se doit, il accepte les ordres d'Allah et il accepte les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il ne connaît pas comme il se doit Allah subhanahu wa ta'ala, il polémique sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et il polémique sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et des fois il se moque même de la révélation et des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces cas-là, il est dans un égarement qui est clair et qui est lointain. Il faut connaître Allah et savoir aussi ce que veut de nous Allah Azza wa Jal. Fama'rifatullah wa tawhiduhu Azza wa Jal aslu hada ad-din wa aslu da'wati al-mursalin jami'an. Le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base de cette religion. Et c'est le pilier principal de cette religion. Et c'est la base de la da'wa de tous les prophètes alayhi salatu wassalam. في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له عندما ودعه إنك تقدم على قوم أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. في بعض ألفاظ هذا الحديث عند البخاري أن يوحدوا الله تعالى. وهذا إن دلنا على شيء دلنا على أن أصل هذا الدين هو التوحيد. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث فإنهم عرفوا ذلك, إنهم عرفوا أن الله واحد أحد فرد صمد لا معبود بحق غيره, فأعلمهم أن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. والشاهد من هذا الكلام أن هؤلاء أهل الكتاب لا يخاطبون بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم ولا بالحج إلا بعد أن يعرفوا الله, إلا بعد أن يعرفوا لماذا خلقهم الله سبحانه وتعالى, يعرفوا توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. Dans l'authentique dit Al-Bukhari, le prophète عليه الصلاة والسلام, quand il a envoyé Mu'adh au Yémen, lui a dit au moment de le saluer et de lui dire au revoir, il dit, tu vas aller chez des gens du livre. La première des choses vers laquelle tu dois les appeler, c'est qu'elles adorent Allah uniquement, qu'ils réservent leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ne lui fassent pas d'associés. Et dans certaines expressions chez le Bukhari, qu'ils accomplissent le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs actes. Cela nous prouve que la base principale de cette religion, c'est le monothéisme. C'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans certaines expressions, certaines versions de ce hadith, il y a une expression. Et s'ils ont connu ça, c'est-à-dire s'ils ont su ce que c'est à qui ils doivent réserver le culte, ce que c'est que le monothéisme, à ce moment-là, tu leur annonces que Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire pour eux 5 prières dans la journée et dans la nuit. Et qu'ils doivent s'acquitter de la zakat, du jeûne, etc., etc. Témoignage, c'est que quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté vers les gens du livre, il lui a dit, il l'a orienté que ces gens-là ne leur parlent pas de la prière, ne leur parlent pas du zakat, ni du jeûne, mais avant tout, tu dois les appeler à réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que certains parmi vous peuvent se dire, et maintenant nous, on dit tous la ilaha illallah. Chaque fois, Allah azza wa jal, que et on dit tous Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alfa'an Allah azza wa jal, comme a dit Cheikh Mohamed Amar rahimahullah ta'ala, maintenant les musulmans ont besoin d'authentifier leurs croyances. Les gens disent la ilaha illallah, ils égorgent pour des tombes, ils tournent autour des tombes. Des gens disent Muhammad Rasulullah, attestent que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils innovent dans la religion d'Allah azza wa jal. Ils font des actes que le prophète n'a pas ordonné de faire. On a autant besoin maintenant d'authentifier le dogme de nos contemporains et d'authentifier, de les ramener aussi vers la sunna de Mohammed. Ceci est très important. Regarde autour de toi. La sunna est un étranger maintenant dans la communauté. Dit que les gens voient quelqu'un commencer à se cramponner à sa religion, d'où t'as ramené cette nouvelle religion? C'est quoi cet extrémisme? Yahri. Toi, tu n'as pas, hein, comment ils appellent ça, le revenu minimum d'insertion, on peut appeler, le minimum dans ta religion, tu ne l'as pas, et Hada qui essaye de chercher pour avoir, hein, pour être sur la sunna de Prophète, tu es en train de lui dire c'est quoi cette nouveauté que tu ramènes? Subhanallah. Le minimum dans ta religion, toi, tu le négliges. Hein? Et après, tu traites celui qui veut se cramponner à sa religion, comme le veut Allah, comme le veut son messager, tu traites comme quoi d'avoir ramené quelque chose de nouveau. Où sommes-nous? Et si la situation ne peut pas être autrement, puisque le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam a commencé étranger et se terminera étranger comme il a commencé. Hein? Et c'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. On est dans l'étrangeté du monde contemporain, de l'islam, à notre époque. Ce n'est pas le nombre. C'est la façon. C'est dans la façon. À l'époque de Mohammed alayhi salam, quand il a dit ce hadith, ils n'étaient pas nombreux. En 3 années de prêche du prophète, d'appel et de da'wah du prophète alayhi salam, il n'y a que 40 personnes qui se sont constituées dans la maison d'Al-Aqam. Maintenant, regarde à travers la planète, on est 2 milliards de musulmans sur Terre. Eux, leur étrangeté était dans le nombre, ils n'étaient pas nombreux. Nous maintenant, on est nombreux. Mais notre problème, il n'est pas dans le nombre, il est dans comment on applique cet islam. Il est dans la divergence que nous avons avec la sunna de notre prophète. C'est là notre problème. Notre étrangeté maintenant. Celui qui cherche la voie de son messager, c'est l'étranger. Et ces étrangers, hein, tu le vois de loin. C'est comme le cheveu blanc sur un taureau noir. Ou là, c'est comme le soufre rouge. Le soufre jaune, tu le trouves beaucoup. Mais le soufre rouge, peu. Tu as peu de mine du soufre rouge. Allah subhanahu wa ta'ala, j'en ai un comme parmi. Allah subhanahu wa ta'ala, fasse que nous soyons parmi ces étrangers. Parce qu'ils ont dans le hadith Touba l'il-ghuraba, bonté aux étrangers, qui a été interprété par la bonté dans ce bas monde et dans le delà, il a été interprété aussi par un arbre au paradis. Fama'rifatullahi azza wa jal, huwa al-tawhid wa huwa al-asl al-asil li hadha al-din. وهو الذي بعث الله به الرسل والأنبياء كلهم بعثوا بأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سواه كل المونوثيزم le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala c'est la base principale de cette religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les prophètes et tous les messagers alayhi salatu wassalam tous la première chose qu'ils ont adressée à leur peuple Adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah. Wa indama taqra' al-Qur'an al-Karim akha al-Islam, tajidu anna Rabb al-'Izzati 'azza wa jall yasifu ha'ula'i ar-rusul 'indama ba'athahum ila aqwamihim bi annahum da'u aqwamahum ila an ya'budu Allah wa an la yushriku bihi shay'an. Wa nadharu fi al-Qur'an yaj'aluna nafhamu dhalika jayidan wa huwa nafsu al-ma'na fi qawlina في قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن الله عز وجل quand tu lis le Coran la parole d'Allah عز وجل tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala décrit les messagers quand ils ont été envoyés vers leur peuple quoi ils ont appelé leur peuple à réserver le culte exclusivement à Allah et à ne pas lui faire d'associer Quand tu as un regard saint, c'est-à-dire, comment on dit saint ? Saint, Zama, dans lequel il n'y a pas d'ambiguïté. C'est ça, un regard saint, pas comme le saint patron de Tazarwalt. Hein. Quand tu as un regard saint, si tu jettes un regard saint sur le Coran, tu vas comprendre ça très vite. Et tu vas comprendre la signification de la parole de Allah subhanahu wa ta'ala qui dit nous avons chaque prophète, chaque messager que nous avons envoyé dans sa communauté, il a dit à sa communauté adorez Allah, réservez le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et évitez ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est ta'out. Ta'out, c'est tout ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, en agréant l'adoration qu'on lui fait. Parce que si certains ont adoré le Uzair comme les juifs, Et les chrétiens ont adoré Jésus. Jésus n'agrée pas et l'Uzair n'agrée pas. Donc on ne peut pas considérer Isa et l'Uzair comme des Tawarit. Loin de là. Parce qu'il désavoue l'acte que font les Juifs. L'Uzair désavoue l'acte des Juifs. Et comme Isa, alayhi salam, désavoue l'acte des chrétiens. Donc Tawarit, c'est celui qui s'adore, qui agrée. Et tous ceux qui s'adorent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils n'agréent pas le culte qu'on lui vaut, et celui-là, ce n'est pas un ta'ut. Comme ceux qui ont adoré les anges. Va dire que les anges, maintenant, c'est des tawarit. A'udhu billah. Parce que les anges n'agréent pas l'adoration de ceux qui leur vouent un culte. Fa'ibadatullah. واجتناب الطاغوت هي المقصودة في قوله تعالى لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا إله إلا الله اجتناب للطاغوت اعبدوا الله إثبات لعبودية الله سبحانه وتعالى واجتناب الطاغوت فيه الكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فد دغي الله سبحانه وتعالى ديفيت دغي الطاغوت سي لا سينيفيكاسيون دو لا اله الا الله ني دين دي تخدوغي كالله ادغي الله سا سي لافيرماسيون دو كوم كوا لو كولت دو ايتر ريزيرفي اكسكلوزيفمون الله سبحانه وتعالى ايفيت دغي الطاغوت لا نيغاسيون دو توت اكت qui nous dit qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit donné à quelqu'un d'autre qu'Allah. Et le fait d'éviter d'adorer Tarot, c'est de mécroire en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de les désavouer. Wa kalimatu tawhid laha shiqqan. Nafyun wa itbad. Fa'indama anta taqoul, la ilaha illallah, لو أنك تأملت هذه الجملة لوجدت أنها تشتمل على شقين شق منها فيه نفي وشق آخر فيه إثبات النفي لا إله الإثبات إلا الله وهذا استثناء أن العبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى ولا يفرد بها إلا الله سبحانه وتعالى وفان الله عز وجل la parole du monothéisme division en deux parties. Il a deux choses qui la composent, la négation et l'affirmation. Quand tu dis « La ilaha illallah », quand tu médites cette phrase, tu vas trouver qu'elle est composée de deux sortes, deux points essentiels. La négation, donc « Nidin hein, »,« Nidin d'être adoré »,« La ilaha ». Et la deuxième partie, c'est l'affirmation, c'est-à-dire que le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est « illallah », exception faite à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui seul que nous devons réserver notre culte. Et à lui seul que nous devons adorer. « Yaqulu al-ulama, rahimahumullah ta'ala, rahimallahu al-amwat wa hafidallahu al-ahya, la yahsulu al-tawhidu lil-insan illa bin-nafi wal-itbati jami'an. » فمن قال لا إله وسكت فهذا ملحد لأنه نفى ولم يثبت فهذا نفي محض والنفي المحض إلحاد لأنه إنكار للإله إنكار لكل ما يطلق عليه إله فنفي الآلهة مطلقا هذا إلحاد les hommes de science de nous dire que le monothéisme c'est la négation et l'affirmation. Il faut qu'il soit lié chez une personne. Pour parfaire son monothéisme, il faut nier, faire la négation de toute adoration à quiconque qu'Allah subhanahu wa ta'ala et réserver le culte exclusivement et affirmer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Là qu'ils disent que celui qui dit « La ilaha illallah » il se tait, ça c'est un athée. Il dit « La ilaha illallah » il se tait. Il dit « Il n'y a pas de divinité ». Ça veut dire « Il n'y a pas de divinité, il n'y a rien qui s'adore ». Il est annaté parce qu'il a fait la négation, il n'a pas ramené l'affirmation. Et ça, c'est une négation pure et complète. Pas de divinité. Et ça, c'est le fait de faire la négation de la divinité. Et le fait de faire la négation des divinités, c'est l'athéisme. C'est tomber, dans le sens large du terme, c'est être athée. وكذلك إذا أثبت ولم ينفي وقيل لا أقول ولا أشرك به شيئا فقال أنا أعبد الله ولا أنفي بقية الآلهة فهذا هو الشرك. Si maintenant il affirme, mais il ne nie pas, il fait l'affirmation, il ne fait pas la négation. Et on lui dit, il dit, et je ne lui fais aucun associé, il dit, moi j'adore Allah. Et je ne fais pas la négation des autres divinités. Ça, c'est l'associationnisme. فَمَنْ نَفَى وَلَمْ يُثْبِتْ فَقَدْ أَلْحَدَ وَمَنْ أَثْبَتَ وَلَمْ يُنْفِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ نَفَى وَأَثْبَتَ فِي آنٍ وَاحِدٍ فَقَدْ وَحَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Donc celui qui fait la négation sans faire l'affirmation, celui-là il est tombé dans la voie d'Al Mulhidin, les athées. Et celui qui affirme et qui ne fait pas la négation, il est tombé dans la voie des associateurs. Quant à celui qui fait la négation et l'affirmation, celui-là, il est le monothéiste. C'est le seul. C'est celui-là, il est le monothéiste parce que la parole, le fait de dire « La ilaha illallah », il y a dedans la négation et l'affirmation. Nier tout ce qui s'adore en dehors de Allah, subhanahu wa ta'ala. Faire la négation et affirmer l'adoration et le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. وما علاقة هذا بقضيتنا وهي قضية معرفة الله سبحانه وتعالى. Et c'est quoi la relation avec notre sujet maintenant, qui est le fait de connaître Allah عز وجل. معرفة الله هي أصل هذا الدين. فإنهم عرفوا ذلك. فإنهم أقروا بذلك وعرفوه عند ذلك تقول لهم أن هذا الإله الذي عرفتموه يفترض عليكم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وقتها لا يمكن أن يقول الذي عرف الله سبحانه وتعالى لما اقتنع سأصلي، لأنه قد اقتنع عندما وحد الله سبحانه وتعالى، ولكن سيصلي فورا لأنه عرف الله وعرف معنى الإله وعرف أن هذا الله الذي عرفه أوجب عليه الصلاة فلا يتردد حينها. Donc, le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base de cette religion. Parce que dans le hadith, il est dit, si ils savent ça, si ils ont la science de ça, c'est-à-dire, ils ont la science comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui tout seul qu'on doit réserver le culte. S'ils confirment ça, et ils le savent, dans ces cas-là, tu leur dis, ce souverain et ce seul à qui on doit réserver le culte que vous connaissez maintenant, vous impose, vous fait obligatoire cinq prières dans la journée, dans la nuit et dans la journée. Dans ces cas-là, il n'y aura plus d'hésitation. Quand il va entendre, quand il aura connu Allah comme il se doit, ben, il n'hésite plus. Il va mettre en application. Il ne va pas te dire, je vais prier. Mais il va accomplir tout de suite. Parce qu'il a connu Allah. Et qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de ça. Et que ça, c'est un acte d'adoration. Et qu'il n'est du cas Allah subhanahu wa ta'ala, il va le faire tout de suite. Parce qu'il a connu Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. فعندما يقتنع الإنسان بأصل هذا الدين الذي هو التوحيد فالأمر بالنسبة إليه إنما هو الترقي والقبول عن الله. لهذا لا إشكال بأن تأمر الموحد أن يصلي ولا أن يزكي ولا أن يصوم ولا أن يحج، ولا أن تأمر هذه الموحدة بأن تلبس الحجاب أو تقر في بيتها، وكذلك من أمور كثيرة. كل هذا سهل على الموحد الذي عرف الله. فلأن لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا هو طريق مرضات الله سبحانه وتعالى الذي عرفه، وأنه لأجل هذا خلقه الله سبحانه وتعالى. Maintenant, quand la personne est convaincue de le pilier principal de cette religion, qui est le monothéisme, la situation pour lui devient facile. Ça y est, il reçoit les ordres, il l'accepte, il met en application. Il n'hésite pas, il n'y a pas d'hésitation. Je vais faire, mais attends, mais quand j'aurai ceci ou cela, ou là quand je serai là ou là. Là, dès qu'il attend l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est dans ses capacités, il met en application. Il n'y a plus de problème pour lui. Le monothéiste qui a connu Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et reçoit l'ordre de faire la prière comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut, il l'accomplit. La même chose pour la zakat, la même chose pour le hajj, la même chose pour la barre, la même chose pour le fait, la tenue vestimentaire, etc. Il en est de même pour la femme monothéiste qui a connu Allah Azza wa Jal. La même chose, pour elle, le hijab, ce n'est pas un problème. Pour elle, le fait de rester à la maison, c'est une obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il reste, il coupe tout, cela en lui. Hein? Parce qu'il a connu Allah, et parce qu'il sait que c'est Allah qui l'a connu, hein? Pour plaire à Allah, et pour avoir l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça passe par le fait d'accepter les ordres d'Allah, et de s'abstenir, et de mettre en application selon les capacités, et de s'abstenir des interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que c'est, et c'est pour ça que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a créés. Donc, il va accourir directement. Il va mettre en application. Alors, beaucoup de gens hésitent maintenant. Pourquoi ils hésitent? Je vais prier, Inch'Allah, je vais faire ceci, je vais faire... Pourquoi ils hésitent? Justement, la connaissance. Il a une faille dans la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que s'il a la réelle connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne va pas. Parce qu'il sait qu'il n'a pas la garantie de vivre jusqu'à... Il te dit, attends, j'ai que 20 ans maintenant. Et qui te dit que tu vas dépasser les 20 ans? Qui te le dit? Qui te donne la garantie que tu vas dépasser tes 20 ans? Et s'il connaissait réellement Allah, subhanahu wa ta'ala, ben il n'aurait pas agi ainsi. Hein? Pourquoi tu fais? Mais attends, que Allah subhanahu wa ta'ala me dit, ça viendra, je vais mûrir un petit peu, attends. Là. Parce qu'il ne connaît pas réellement Allah. S'il le connaissait réellement comme il se doit, il va stopper. Dès que lui vient l'ordre de Allah Azza wa Jal, il sait que le chemin sur lequel amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ramène vers la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va le laisser tomber. Il va prendre le chemin qui va lui prévaloir à l'amour d'Allah et l'amour, hein, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fait le mouahid, idha kullifa fi faridatin min fara'idi hadha ad-din qabila. هذا الدين الذي آمن به وهذا الله الذي آمن به ووحده هذا المؤمن الموحد عندما تأتي الفريضة من الله يقول قول المؤمنين سمعنا وأطعنا قال عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ماذا تريد من حياتك؟ أن تكون مفلحا في الدنيا وفي الآخرة. وطريق الفلاح سمعنا يا ربنا وأطعنا. سمعنا ما أمرت به وما بلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعنا. هذه صفة المؤمن الذي يريد الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. Donc la réponse du monothéiste quand il y a une obligation qui lui vient من الله عز وجل parmi les obligations de cette religion, c'est Allah qui l'a connu et qui croit en Allah Azza wa Jal. Quand il lui vient un ordre, alors sa réaction c'est tout de suite. La parole des croyants, comme il est dit dans le Coran, nous avons entendu, nous mettons en application. Il est dit dans le verset, certes, la parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et vers son messager, pour qu'ils jugent entre eux, c'est qu'ils disent « Nous avons entendu, nous obéissons, et ceux-là, ce sont les gagnants. » Les gagnants dans ce bas monde et les gagnants dans le delà. Tu veux partir parmi ces gagnants, ben, tu dois chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne quelque chose, de dire ça. « Nous avons entendu, nous obéissons. » Et à ce moment-là, tu auras le gain dans ce bas monde et dans le delà. Tu auras l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et dans le delà. لأن المؤمنين لا يجادلون في آيات الله عز وجل ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلبسون الحق بالباطل. غاية ما يحتاج إليه المؤمن أن يدعى إلى الله ورسوله أن تقول له قال الله كذا وقال رسوله كذا وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فما ينتظر من الموحد حينها إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. فالموحد يقبل أوامر الله ويقبل نواهي الله ويقبل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه. لماذا؟ لأنه عرف الله حق المعرفة. عرف الله حق المعرفة. Donc les croyants en général, les croyant, véridique, ne polémique pas sur le verset d'Allah, il ne polémique pas sur les signes d'Allah Azza wa Jal, il ne déforme pas, ne donne pas d'autre sens aux paroles. Et il ne déguise pas la vérité avec le faux, ni le faux avec la vérité. Jamais de la vie. Hein? Ce qu'a besoin le croyant, tout simplement, c'est le rappel. Quand tu l'appelles, tu lui fais le rappel. Allah a dit ceci, Allah a ordonné ceci, il te dit, j'ai entendu, je mets en application, j'ai oublié. Le monothéisme accepte l'ordre d'Allah et les interdictions que lui fait Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il accepte les ordres que lui fait le messager, alayhi salatu salam, et hein, les interdictions que lui fait son messager, alayhi salatu salam. Pourquoi ? Parce qu'il a connu réellement Allah, subhanahu wa ta'ala, il a connu Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il se doit. Il a connu Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il se doit. فالتوحيد هو أصل هذا الدين وهو حق الله على العبيد كلهم جنهم وإنسهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو ما جاء به الأنبياء كلهم من لدن آدم وأول الرسل إلى البشرية نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم وبينهم ما بينهم من الأقوام كلهم دعوا إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة مع أن شرائعهم كانت مختلفة ولكن دينهم واحد توحيد الله وإفراد الله بالعبادة جاء في حديث معاذ عندما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق العباد على الله أن يعبدوه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فالتوحيد هو حق الله عز وجل وفي المقابل ما هو حق العباد على الله إنهم فعلوا امتثلوا أمر الله ووحدوا الله سبحانه وتعالى أن لا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا وهذا فضل من الله الله لا يحق عليه أحدا لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء ولكن هذا تفضيل فضل من الله أكرم به الموحدين أنهم يوحدون جعل حقهم عليه أن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم في النار donc le monothéisme c'est la base de cette religion c'est le droit d'Allah سبحانه وتعالى avec lequel sont arrivés tous les prophètes عليهم الصلاة والسلام ils sont nombreux de Adam jusqu'à Mohammed alayhi salatu salam. Et le premier des messagers aux gens de la terre, Nuh alayhi salatu salam, entre Nuh et Mohammed alayhi salatu salam, il y a eu un grand temps qui est passé. Et beaucoup de messagers sont passés, et pourtant leur religion était identique. C'est le monothéisme. Adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Leurs législations sont différentes. D'une législation il y a une, à une autre, il y a une différence. Mais la base principale, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est la même. Il n'a pas changé. Il ne changera pas. C'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les humains, pour lui réserver le culte exclusivement. Et le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de lui réserver le culte exclusivement. Hein? Et quand les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala accomplissent le monothéisme, qu'est-ce qu'ils ont chez Allah subhanahu wa ta'ala ? Allah subhanahu wa ta'ala s'est imposé quelque chose, une obligation. Personne ne peut imposer quelque chose à Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala s'est imposé à lui-même, hein, par bienfait avec lequel il comble ses serviteurs, c'est que s'ils accomplissent le monothéisme, ben ils n'iront pas en enfer. Ils seront comblés avec le fait d'être rentrés au paradis. Hein. Ils ne lui font pas d'associés. Ils lui réservent le culte exclusivement. Leur récompense, minallah azza wa jalla. Là, il a fait un devoir. Il s'est imposé ce devoir. Et cette obligation, c'est de les rentrer directement au paradis. On n'impose rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quelque chose avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala comble ses serviteurs monothéistes. فَإِذَا فَهِمْنَا هَذَا الْأَصْلِ لَا بُدَّ نَعْلَمْ أَنَّ إِفْرَادَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فكذلك فيه التبرؤ من كل ما يعبد من دون الله عز وجل والتبرؤ من الكفر ومن الأنداد والأضداد والشفعاء من كل أن يتبرأ الإنسان من كل ما يمكن أن يكون ندا لله عز وجل أو أن يؤخذ ندا لله سبحانه وتعالى. Donc quand on comprend ce pilier principal, il est obligatoire de savoir qu'il faut aussi désavouer la mécréance et les mécréances, et tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que les gens prennent comme équivalent à Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'ils mettent à pied d'égalité avec Allah, subhanahu wa ta'ala, il faut les désavouer. Et désavouer cet acte aussi. ولهذا قال أهل العلم لا إله إلا الله نفي وإثبات والتوحيد نفي وإثبات ولا يكون موحدا إلا من نفى وأثبت ومن نفى ولم يثبت فقد الحد ومن أثبت ولم ينفي فقد أشرك ومن نفى وأثبت فقد وحد. Donc c'est pour ça que les hommes de science attirent l'attention sur le fait que le monothéisme, qui est dans l'origine de ce monothéisme, c'est quoi? C'est la parole qui dit « La ilaha illallah » n'est digne d'être adoré qu'Allah, dans laquelle il y a, comme nous l'avons vu, la négation et l'affirmation. Hein? Et celui qui fait la négation et l'affirmation, celui-là sera le monothéiste, c'est le monothéiste. Et celui qui nie, hein, il n'approuve pas, il ne fait pas l'affirmation, celui-là est athée. Et celui qui affirme et qui ne nie pas, celui-là, c'est l'associateur. Et le monothéisme, celui qui est agréé min Allah, subhanahu wa ta'ala, qui relie les deux, la négation et l'affirmation. Wa huna su'alun ajib. Hal nahnu muhtajun ila durusin fi at-tawhid? Non, c'est une question extraordinaire qui peut traverser l'esprit de tout un chacun de nous. Est-ce que nous avons besoin de leçons dans le monothéisme? Ajaba an hadha ahlul ilm القدماء والمعاصرون بأنها التوحيد يحتاجه الناس دائما ها؟ وفي زماننا يقول أهل العلم أول ما يحتاجه الناس في الدرجة الأولى معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة توحيد الله سبحانه وتعالى لأن كثيرا من المسلمين جهلا منهم أو خطأ قد حصل عندهم خلل في باب التوحيد دون أن يدروا أنهم خالفوا في هذا الباب خالفوا أمر الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس عند العامة, حتى عند المثقفين, حتى عند المثقفين وأكثره عند المثقفين. Donc les hommes de science ont répondu à cette question, est-ce que nous avons besoin de leçons dans le monothéisme? Donc à notre époque, les hommes de science disent, les gens ont plus besoin maintenant, à notre époque, de connaître Allah comme il se doit. Parce que beaucoup ont des lacunes dans le monothéisme, de là où ils le savent ou ils ne le savent pas. Par erreur ou là par ignorance. Ils ont des lacunes dans ce pilier principal de cette religion qui est le monothéisme. Et ceci, pas tout simplement chez la masse et chez le commun des musulmans, là, dans le milieu intellectuel, encore plus que chez la masse. وإذا أردت أن تقف على صحة ما تسمع أخ الإسلام فاسأل من يحيطون بك في مجالك ومن يحيطون بك في بيتك مع إخوانك وأخواتك. جرب سلم عن معنى لا إله إلا الله, جرب فستسمع ما إن داله الجبين. ولا نريد منهم في الإجابة محاضرة, فقط المعنى البسيط الذي يفهمه كل مسلم ولو كان أميا. إن الله عز وجل si tu doutes de ce que tu entends, à partir de là quand tu rentres à la maison, pose la question autour de toi, chez toi, avec ta mère, avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes copains de la ZUP, avec tu leur poses la question. Qu'est-ce que ça veut dire, la ilaha illallah? Et tu verras. Tu vas entendre des fois des réponses. Si tu sais vers où ça amène ces réponses, tu auras la sueur froide qui tombe sur ton front. Et ne leur demande pas une conférence. Demande-leur juste la signification que doit connaître le commun des musulmans. commun de la masse. حتى من يتصدر للدعوة ويدعون غيرهم ها عندما سئلوا ها يغضبون لماذا تسألهم فيجيبك لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله وهذا دعاة يتصدرون للدعوة وهم أحوج أن يدعوا إلى الإسلام بدل أن يدعو الناس إلى الإسلام اسمع البقرة تعطيها الحشيش وتعطيك الحليب وبعده أيوة لهذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام وبهذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام فهذه وإن كانت معاني صحيحة أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق فليست هي معنى لا إله إلا الله فهذه ربوبية الله وما كان ينكرها لا أبا جهل ولا أبا لهب ومع ذلك لم يكونوا موحدين ولم يكونوا مسلمين Et avec grand regret, frère en Allah, Azzawajal, certains gars qui sont sur le champ de ce qu'ils appellent Dawa ou Tablir, hein, ils prétendent cela, prétendent appeler les gens vers l'islam. Tu leur poses la question, qu'est-ce que ça veut dire? Là, il a, il se met en colère si tu lui poses cette question. Je suis musulman depuis 20 ans, depuis 30 ans, pourquoi tu me poses cette question? Et après, gars, quand il te répond, il te dit, ne crie qu'Allah, ne donne la subsistance qu'Allah, ne donne la vie et la mort qu'Allah. Certes, ça, c'est véridique. Il n'y a qu'Allah qui donne la vie et qui donne la subsistance. Mais après, est-ce que c'est avec ça que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a eu des problèmes avec Quraysh? Est-ce que vers ça, est-ce que Muhammad Alayhi Sallam a appelé Quraysh à dire qu'Allah donne la subsistance et Allah donne la vie, etc. Est-ce vers ça qu'il les a appelés? Et il te sort, quand tu donnes, regarde, quand tu donnes à la vache, l'herbe, il te donne, subhanallah, la puissance d'Allah, la vache te donne du lait, ainsi. Et après, le but c'est quoi? Même si nous sommes d'accord avec toi qu'Allah donne la subsistance, et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, donne la vie et ôte la vie, etc., et guérit, et donne les maladies, etc., mais c'est pas avec ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé Muhammad, alayhi salatu wasalam. Et c'est pas ça la réelle signification de la ilaha illallah. Parce que ce que tu es en train de dire, Abu Jahl, et Abu Lahab le comprenaient. Qu'Allah donne la subsistance, qu'Allah a créé les cieux et la terre, etc. Mais ça ne fait pas d'eux des monothéistes. Ça n'a jamais fait d'eux des monothéistes. Abu Talib, qui a défendu Mohammed A.S. et qui a reconnu que la religion avec laquelle est venu Mohammed A.S. c'est la plus véridique des religions. Et qui sait qu'Allah donne la subsistance, etc. Et quand Abra est venu pour détruire la Kaaba, il lui a dit, la maison... un souverain qui va la défendre. Il savait. Et pourtant, ça n'a pas fait de lui un soumis à Allah ni un monothéiste. Hein? Donc, quand les gens qui s'occupent de la dawa sont dans cette ignorance-là au niveau du monothéisme, qu'est-ce que tu veux? Ceux-là ont besoin d'être appelés vers Allah. Ils n'ont pas le droit de faire la dawa vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, parmi les intellectuels, tu lui dis... C'est quoi la ilaha illallah? Il dit, ni de juge qu'Allah. Subhanallah. Ni de juge qu'Allah. Le fait qu'on doit juger avec les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des droits d'Allah. C'est-à-dire que du droit que le culte doit être réservé exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça rentre dans le monothéisme hein, de l'adoration. Comme quoi il faut réserver le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ce n'est pas la signification de la ilaha illallah. Ce n'est pas la signification de la ilaha illallah. La ilaha illallah, sa signification. La ma'bouda bihaqin illallah. Ni din d'être adoré qu'Allah. Ça, c'est signification. Ça ne veut pas dire la khaliqa illallah, ou la hakima illallah, ou la raziqa illallah. Ce sont des sens valides. On est obligé, obligatoire pour nous de juger avec les lois d'Allah, de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie. Oui. Mais sa réalité, c'est ni digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quraysh, des Arabes, qui comprenaient bien le message. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dites la ilaha illallah tuflihoun, dites la ilaha illallah, vous allez réussir, ils ont refusé à le dire. Ils savaient. Nous, beaucoup, disent la ilaha illallah, ne comprennent pas son sens. Il dit la ilaha illallah, et avec son bouc, il tourne autour de la tombe, et à la fin, il égorge. Son bouc pour la tombe. Beaucoup disent La ilaha illallah et rentrent avec toi dans la prière, etc. Ils se trouvent devant la tombe. Ya Sidi, donne-moi des enfants. Il fait que ma fille soit mariée. Il fait qu'etc. Et ainsi de suite. Est-ce que Hada, il a compris réellement La ilaha illallah hein? Et beaucoup même peut-être à côté de toi. Ta sœur, elle a la petite main de Fadma qu'ils disent. Hein? Pour la protéger contre l'Aïn. Hein? Ta mère, quand il y a un enfant, il te prépare des petits gris-gris dans lesquels il y a un petit torchon vert ou la jaune ou la rouge selon d'où tu viens et selon les tendances des superstitions de ta mère. Et dedans, il y a un morceau de pierre d'Alain, un morceau de selgem, un morceau de graines d'eucalyptus. Tout ça, il dit hein, pour protéger ton bébé pour qu'il dort bien. Qu'est-ce qu'il va lui faire la pierre d'Alain, etc. Autour de toi, avec toi. Des fois ta femme, même Adou il passait par là, et tout d'un coup un jour tu secoues l'armoire pour réparer quelque chose, tu te retrouves avec un gris-gris derrière. Hein? Eh, vas-y, la liste est longue. Pas avec lequel on va dénigrer la ilaha illallah, sont nombreux. Des fois tu le trouves sous le matelas. C'est pour ça des fois il faut secouer celle avec laquelle tu vis. La campagne, tu as vu, pour voir vraiment est-ce que, hein, est-ce qu'il n'y a pas l'étoile d'araignée de l'associationnisme qui ne sont pas apparues dans les recoins de l'esprit. Hein, fais très attention. Pas croire que tout ça, on ne vient pas de Jupiter à l'islam. Hein, on vient de là où il faut. Et ceci, c'est une réalité. Il faut le prendre comme tel. C'est toi, par exemple, qui épargnes, hein, regarde autour de toi, celle qui partage ta vie, s'il en, il est épargné ou pas. Hein? Essaye de secouer un petit peu comme il se doit dans la parole, etc. Ta sœur, tu vas voir des fois ce que tu entends. Essaye de voir pendant les vacances, hein? Quand on se dirige vers la région d'Agadir ou autre, hein? Véro, des fois la maman va, ou des fois la sœur, ou le père, etc. C'est une réalité qu'il ne faut pas se cacher. Hein? Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler sur la face. Et autour de toi, ici, les mamadou, ils sont nombreux. Et les mamadou, des fois, ils jouent avec l'esprit des gens. Il est au premier rang de la prière. Seulement ce que tu ne sais pas, frère Allah Azza wa Jal, pour que le shaitan travaille avec lui, il faut qu'il vienne faire la prière avec le janaba. Il n'est jamais en état de pureté. Da Muhammad qui a fait le pèlerinage sept fois, lui aussi il bouffe hein, l'argent des madres et des padres hein, avec des petits gris-gris et des petites hein, amulettes, etc. Il est au premier rang. Seulement ce que tu sais, c'est qu'avant d'être là, il s'est lavé avec ses urines d'un mois pour que le shaitan puisse travailler avec. Il ne faut pas croire. Et là, toi, tu y arrives. Et ton père, il te dit, j'étais chez Da Muhammad. Tu dis, il ne faut pas croire ce qu'il dit. Mais il est tout le temps là, même à Salat al-Fajr, il est le premier. Seulement le pauvre père, il ne sait pas que Da Muhammad, il a un pacte satanique avec Shaitan. C'est de, des fois de rentrer chez lui, de faire la prière en face d'une glace tout nue. Au lieu de la faire vers l'indexion de la Qibla, il fait au sens contraire, en étant lavé auparavant par l'urine qu'il a gardée pendant un mois. Et des fois, le Coran, il le met dans un coin, il faut qu'il jette dessus les impuretés. Et des fois, il prend les torchons et les serviettes des monstres des femmes pour écrire avec la parole d'Allah. Comme ça, avec le sourcil, pour que Shaitan puisse travailler avec. Et toi, tu le vois au premier rang, là-bas, la Belgique, là-bas, etc. Hein? Il ne faut pas se faire avoir. Les devins, les sorciers, les talibs de... Hein? Les amulettes, il n'y a aucun bien à tirer derrière. C'est Rasulullah ne l'a interdit d'aller le voir et d'y croire en ce qu'ils disent. C'est une réalité à l'islam. Il n'y a aucun sorcier qui échappe à un pacte avec Shaitan. Il n'y a aucun sorcier. Qui échappe. Et même chez Shayatin, combien il les laisse tomber. Il y a un qui s'est fait avoir à Riyad une fois. Il a dit à ceux qui l'ont attrapé, ces chariatines servaient à quelque chose, il m'aurait averti comme quoi vous allez me tomber dessus aujourd'hui. Lui-même, il le déclare. Quand il te montre ce qu'il a écrit, le verset d'Al-Fatiha écrit au monstrue, A'oudou Billah. Et les versets les plus importants qui ont rapport avec le monothéisme, Shaitan leur indique de l'écrire avec les monstrues, comme Ayat al-Kursi. Comme Qul huwallahu ahad. Shaitan lui ramène une bribe de réalité derrière laquelle lui il va construire une montagne. Derrière laquelle il va construire une montagne pour s'accaparer de l'esprit des gens. Nous allons arrêter là, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وحسن الله لكم جزاكم الله خيرا ونتلقى ان شاء الله بعد صلاه العشاء